Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler du multiconcessionnaire de Delbo Mississinie. Très belle année encore une fois. Moi j'ai été ébloui par le dernier match que j'ai assisté. 1250 spectateurs étaient réunis. Ça s'est terminé en fin de semaine par contre par une défaite. On en parle avec le président Dave Girard. Salut Dave. Salut Denis. Dave, j'imagine que... Écoute, moi, on peut pas faire autrement que d'être content pareil, parce que moi, c'est du côté de l'assistance. 1250 spectateurs, ça a été des 7-800 tout le long, 600 durant la saison régulière. À quelque part, là, c'est très... Le président ne peut pas être déçu de l'année, là. Non, on est très content. Niveau assistance, toute l'année, on a une augmentation. Dans les séries, dans la dernière portion de série, les deux derniers matchs, on a pogné l'assistance 1150 personnes les deux derniers matchs. 1150. Écoutez, c'est au-delà de nos attentes. Le monde a vraiment, on remercie toutes les partisans, mais le monde a été vraiment derrière l'équipe toute la saison et surtout en série. Et je crois que beaucoup de personnes sont venues, ont vu que le calibre était assez relevé. Donc, je crois que l'année prochaine, on devrait avoir encore une bonne augmentation dans nos foules tout au long de la saison. Oui. Là, comment tu vas faire pour... parce que là, quelque part, le rendement, c'est très, très intéressant. Deux fois en sept matchs. Ça fait deux ans que vous y allez, puis ça fait deux fois que vous perdez en sept matchs. Quoi être de... ouais. Ça, c'est un petit peu... C'est décevant un peu. Il manque pas grand-chose, hein? Ben, c'est sûr que je vous cacherai pas que l'avantage de la glace, je jouais pas mal dans les deux dernières années avec l'avantage, avec le septième match. On n'a jamais eu, depuis les deux dernières années, l'avantage de la glace. C'est sûr qu'on a une voix de le bas au septième match. D'après moi, c'est tout autre chose. Ouais. Dave, comment tu trouves ça, le match dimanche soir à 20h? Moi, j'ai fait un commentaire, mais je me suis fait tirer des tomates, mais c'est pas grave. Je trouve que quelque part, ça devait pas être, c'était vraiment pas l'idéal pour les deux équipes non plus, là. Ben, sincèrement, c'est écoutez, je pense qu'il y avait nous, ce qu'on avait, on a essayé de changer ça de centre sportif. Nous, ce qu'on avait de l'autre côté comme réponse, c'est qu'il n'y avait pas de glace de disponible ailleurs, dont les Marquis jouaient le samedi. Fait que je voulais pas que samedi pour le vent si on jouait le vendredi pour pas que samedi le samedi. Écoute, c'est sûr que c'est pas pour attirer une plus grande clientèle, voir la ligue, c'est sûr que c'était pas la meilleure décision. Mais écoutez, quand moi j'étais présent dimanche et j'étais surpris de voir 650 personnes. C'est sûr que si on avait fait ça un samedi soir ou un vendredi soir, d'après moi, ça aurait quasiment monté à la ligue. Ah, c'est sûr. Il y a eu du streaming, ça a été une bonne initiative, par exemple. Est-ce que ça a bien été? On critique bien la ligue, mais écoutez, je pense que c'est une bonne initiative de la ligue. Ouais. Beaucoup de personnes ont suivi ça, puis je pense que la qualité, moi, ce que j'ai entendu dire, la qualité de match était hyper, super bonne. Il y avait même des reprises. Ah ouais? Bravo, ouais. OK. Tu t'attends-tu des grands changements au niveau de l'équipe l'an prochain? Ben, il va sûrement avoir une annonce. On peut pas trop en parler, mais il va y avoir une annonce dans les prochains jours. OK. Qui va avoir du nouveau dans la ligue. Fait que c'est une bonne chose pour la ligue. Mais c'est ça, je peux pas rendre compte. Ah, c'est une expansion? Je peux pas vous dire. OK. Ça va être annoncé sous peu. OK. Mathieu, pas Mathieu, mais Dave, mais du côté de la ligue, mais du côté de l'équipe, est-ce qu'il va y avoir des changements? Ben, là, c'est sûr qu'on est en bilan de fin de saison. On n'a pas encore fait notre saison. On va rencontrer entraîneur, staff. Après ça, on va prendre certaines décisions, voir qui revient pour l'année prochaine. Puis sûrement l'ajout de nouveaux joueurs l'année prochaine, en espérant que tout le monde de l'équipe va revenir. Mais c'est sûr que niveau senior, la fois avec niveau travail, niveau famille, c'est pas comme du hockey mineur. Effectivement. C'est pour ça qu'on a des listes de 50 joueurs. 5 ans de joueurs, c'est beaucoup, beaucoup. Mais la rotation, normalement, se fait quand même pas pire. Je veux dire, y a-tu quand même un 10-12 joueurs réguliers? Je regarde les line-up à toutes les semaines, à tous les jours, parce que je regarde. Il y a un bon 10-12 joueurs qui sont là pratiquement match après match. Le noyau, tout au long de la saison, il est tout le temps là. Le noyau, on compte à peu près une dizaine de joueurs. Ouais. C'est sûr que le reste, ça change beaucoup. Parce que le travail, les fins de semaine, la semaine, c'est pas évident, les familles. Les gars, oui, essayent d'être présents. C'est, nous, on est chanceux cette année. On a quand même, même quand on est à l'extérieur, je vous dirais, là, c'est, on arrivait souvent à 18, 19, 20 joueurs. Okay. Ça, c'est intéressant aussi pour les autres équipes. OK. Ben Dave, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler. Puis, merci. Félicitations encore une fois pour ton année. Merci. Dave Girard, du multiconseillère de The Boom Cessna.